en fait, il a grave fait l'hypocrite, tu vois. En gros, il me disait, ouais, Nadia, franchement, tu vas pas me manquer. Non, mais c'est pas moi, je suis lui qui veut passer la main. La balle est très... Soit italien, soit français. Et si on mangeait indien, si on mangeait indien, c'est bon, indien. je crois pas, hein, Sophie, elle soit bien dans ses vies, même si elle a compris dans quelques années, mais elle a tout. Thank you.